الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنحمد الله جل وعلا ونشكره على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى فنسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والعنة كما نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد وأن ينفعنا بهذا العلم النافع وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وبعد فنواصل قراءتنا في هذه الرسالة النفيسة التي ألفها الإمام ابن أبي زيد القيرواني، ونحن كنا نقرأ في كتاب بيان المعاني في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وهذا الشرح لهذه المقدمة للعلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Les frères, on va continuer, Inch'Allah, sur l'explication. On va débuter, Inch'Allah, ce cours, Inch'Allah, en continuant l'explication de la lettre du grand savant Ibn Abi Zayd, al-Qayrawani. Et donc, ce qu'il faut savoir, Inch'Allah, en guise de révision, c'est que ce livre-là, ou si vous voulez, l'auteur, Ibn Abi Zayd, Al-Qayrawani, il est l'auteur de la lettre qu'on appelle la lettre d'Ibn Abi Zayd. Donc il y a le grand savant, le grand imam. On avait déjà mentionné des traits ou des choses liées à sa biographie. Donc c'est un grand savant de la Sunna, un savant, un érudit, connu et célèbre pour sa piété, pour sa dignité, pour sa science, pour son savoir, pour sa dévotion et son éthique. Fahad al-Alam, ce grand savant, a rédigé cette risala, cette lettre. Et dans cette lettre, donc, il va parler tout d'abord du domaine de la croyance. Il va résumer la croyance des gens de la Sunna. Ensuite, sa lettre sera consacrée au domaine du fiqh, de la jurisprudence, lié à la jurisprudence de l'imam Malik. C'est-à-dire que l'auteur, comme on avait dit dans les cours précédents, l'auteur était d'obédience malikite. Et donc ensuite, là, dans cette risala, dans sa lettre, donc il va mentionner et consacrer des chapitres relatif à la jurisprudence, malikite. Mais nous, ce qu'on étudie, c'est le début de la risala, ce passage dédié à la croyance, à la aqida des gens de la sunna. Et c'est pour ça que ce passage-là a été nommé chez les savants comme la muqaddima d'Ibn Abi Zayd, muqaddimatu Ibn Abi Zayd. Donc nous, ce qu'on étudie, est-ce que certains savants ont commenté, comme le livre qu'on a entre les mains de Sheikh Al-Fawzan dans son commentaire. Donc il commente cette partie qui traite, qui est consacrée, dédiée à la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Taïb. Donc là, c'est un bref rappel pour bien se situer par rapport au livre. Taïb. À savoir aussi que l'auteur lui-même avait introduit sa lettre. il avait fait la citation, bien il avait cité une introduction, il a mentionné une introduction avant de commencer, eh ben, d'évoquer des points importants concernant la croyance des gens de la Sunna, et avant d'évoquer eh ben, les règles religieuses, les lois religieuses, le fiqh, la jurisprudence liée à la jurisprudence du madhab al-Maliki. Donc dans les premiers cours qu'on avait fait, on avait lu cette brève introduction, et on avait pris certains points du commentaire du grand savant et illustre savant Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah. Et donc c'est une introduction donc de l'auteur qui présentait sa lettre. Il présentait sa lettre et en l'occurrence il mentionnait la cause pour laquelle il avait rédigé cette risala. Et on avait dit que c'était son professeur. C'est son professeur, son shir, qui lui avait demandé de rédiger une risala pour qu'elle soit enseignée aux enfants. Et pour que les enfants puissent apprendre le madhab al-Maliki. D'une manière simple, résumée et simplifiée. Ce que fit l'auteur. Donc dans son introduction, l'auteur nous enseigne qu'il a répondu favorablement à la demande de son shir. Et de ce fait, il a rédigé cette risala. C'est ce qu'on avait appris dans l'introduction de la risala. Taïb, donc ça, on fait une brève révision pour les frères qui n'ont pas assisté au premier cours, Inch'Allah. Donc ceux qui n'ont pas assisté, au moins ils essayent plutôt de se remettre à jour, Inch'Allah. Donc on leur dit ce qui a été pris, Inch'Allah, pour qu'ils puissent suivre avec nous, Inch'Allah. Et pour ceux qui ont assisté au premier cours, Inch'Allah, ça leur fait une révision et un rappel. Ce qu'on va faire maintenant, on va débuter la muqaddima. Donc on avait déjà étudié une bonne partie, le début de la muqaddima. Pour que ce soit un bref rappel et révision, on va relire, Inch'Allah, la muqaddima, Inch'Allah. Donc là, lorsque je dis maintenant la muqaddima, c'est plus l'introduction qu'a fait l'auteur à sa lettre, mais c'est l'introduction, c'est-à-dire cette partie dédiée et consacrée à la croyance. Qui était considérée ensuite comme la muqaddima d'Ibn Abi Zayd. Donc on va la reprendre au début. Comme j'ai dit précédemment, pour que les frères qui n'ont pas assisté au premier cours, eh ben, ils ne soient pas lésés, Inch'Allah. Et ceux, Inch'Allah, qui ont assisté au premier cours, ça leur fait une révision. Sauf que ça sera résumé. On va résumer très brièvement certains points qu'on a pris, Inch'Allah, dans les premiers cours. Et on va continuer, Inch'Allah, on va continuer où on s'était arrêté avec l'aide d'Allah. قال المصنف رحمه الله باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الدينية من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. Donc l'auteur commence donc et il dit ce que les langues doivent prononcer et les cœurs doivent croire dans la religion. Lorsqu'il dit min dhalika al-iman bil qalb wa an-nutq bil lisan. Ensuite, il dit parmi cela, il y a d'avoir al-iman, souvent qui est traduit par la foi, on va rester sur son terme en arabe qui est célèbre, al-iman. C'est le fait d'avoir l'iman dans le cœur et de formuler par la langue qu'Allah est l'adoré unique. Qu'Allah est le seul véritable adoré et nul adoré si ce n'est lui. De là, on constate que l'auteur donc commence ici en nous mentionnant ici un point important, c'est-à-dire la croyance du cœur. La croyance du cœur. Et donc il va parler de l'imam, al-iman. Al-iman, c'est-à-dire les convictions qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça dans le chapitre, il dit « Babu ma tantiqu bihi al-sina », ce que prononcent les langues et les convictions du cœur. Et on avait appris dans l'explication de Cheikh al-Fawzan, hafidallah, lors de ce passage, un point important qu'il dit لِأَنَّهُ لَبُدَّ مِنْ نُطْقِ بِالْحَقْ مَا اَتِقَادِ بِالْقَلْبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودِ أَنْ نُطْقُ بِاللِّسَانِ فَقَتْ بَلْ لَبُدَّ مِنَ النُّطْقِ مِنَ الْاِعْتِقَادِ أو لَبُدَّ مَعَ النُّطْقِ مِنَ الْاِعْتِقَادِ كَمَا لَا يَكْفِ الْاِعْتِقَادُ بِدُونِ نُطْقُ بَلْ لَبُدَّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ. Et on avait appris que ce qui est important, comme le souligne Cheikh ici, le commentateur Cheikh Al-Fawzan, il dit, il est nécessaire, avec la prononciation, le fait d'extérioriser sa croyance, lorsqu'on extériorise nos croyances, par exemple, celui qui croit en Seigneur unique, alors le fait qu'il prononce cela et extériorise cela, il est nécessaire qu'il ait la conviction interne, c'est-à-dire la conviction dans son cœur. Pourquoi ? Parce que la formulation et la parole sans qu'il y ait de conviction émanant du cœur, eh bien cela, la yakfi, n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant. Et c'est le premier point qu'a souligné ici Cheikh Al-Fawzan par rapport à ce passage. Donc, c'est pour cela qu'il dit que l'auteur commence, débute en disant Babu ma tantiqu bihi al-sina, ce que prononcent les langues, wa ta'taqiduhu al-afida, ce que les langues doivent prononcer et les cœurs doivent croire. Donc il fait une mention à ce que prononcent les langues et les cœurs. Il dit, il va parler ensuite de la croyance du cœur. Donc il faut ces deux choses, aussi bien la conviction et la prononciation. Et on avait pris que Cheikh Al-Fawzan a donné comme exemple فَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. Donc si tu dis لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ, qui est le premier pilier, c'est la testation de foi qu'on appelle, c'est le premier pilier de l'islam. Si tu dis لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ, alors tu l'as prononcé, le fait de prononcer l'attestation de foi, tu témoignes, tu l'as prononcé avec ta langue. Donc, indéniablement, si tu prononces la shahada, l'attestation de foi avec ta langue, tu dois y accorder foi. Tu dois y accorder foi, c'est-à-dire avoir la croyance du cœur. Avoir la croyance du cœur. Et lorsqu'on dit que tu as la croyance du cœur, c'est-à-dire que tu crois, ça implique ici de croire au sens de cette attestation, quel est le sens de cette attestation, et de croire aux implications de cette attestation. Ensuite, il dit « وَلَا بُدَّ أَن تَعْمَلَ بِمُقْتَضَاهَا فِي جَوَارِحِكَ » Et ensuite, tu œuvreras conformément aux implications de cette attestation. De cette attestation. Une personne pourrait se poser la question, quel est le sens de œuvrer conformément aux implications de cette attestation? À titre d'exemple, par exemple, lorsqu'on dit je témoigne la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, donc la personne témoigne qu'il n'y a nul adoré véritable si ce n'est Allah. C'est une traduction relative de, approximative de, « La ilaha illallah ». Ou bien, c'est une traduction plus précise de « La ilaha illallah ». Celui qui dit « La ilaha illallah », donc il a la conviction dans son cœur sur la véracité de cette parole. Il la prononce avec sa langue. Maintenant, quel est le sens de agir, œuvrer conformément aux implications de cette parole? C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'il n'y a nul véritable adoré si ce n'est Allah, alors on doit s'éloigner de l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, nos actes d'adoration doivent être voués exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on adore le Seigneur unique, et on l'adore uniquement, et on professe son unicité, et bien ces adorations qu'on lui voue, et bien là on est en train d'œuvrer selon les implications de cette attestation. Lorsqu'on délaisse toute adoration en dehors de lui, c'est-à-dire on délaisse toute forme de polythéisme, ça fait partir agir, œuvrer, ici, conformément aux implications ici de cette attestation. Donc moi, je résume certains points qu'on a pris brièvement pour réviser avec les frères, pour que ce soit déjà pour moi une révision, déjà pour moi une révision, Inch'Allah. Pour vous aussi, pour les frères qui ont insisté au premier cours, ça sera une révision, et c'est pour que les frères qui n'ont pas insisté aussi, pas insisté au premier cours, eh ben, aussi, eux ont suivi les points importants pour qu'on puisse ensuite continuer. Pourquoi on dit dans la traduction de « La ilaha illallah » on dit l'adorer, pourquoi? Parce que « El ilah » ou « El ma'lou » El ilah huwa al ma'lou. Dans la langue arabe, les savants, dans la linguistique, nous enseignent que le sens de l'ilah c'est al ma'lou. Ou al ma'lou c'est le ma'boud. C'est l'adoré. Donc el ilah huwa al ma'lou. Et celui qui veut plus de détails sur cette question-là, qui veut vraiment élargir ses connaissances dans cela, et rechercher, il a qu'à revenir au célèbre dictionnaire de la langue arabe, et il fait une recherche sur le terme, sur le mot al-ma'lou, ou bien sur le terme al-ilah, Et ensuite, il verra comment l'ont expliqué les grandes références de la langue arabe, comme vous pourrez trouver cela dans les dictionnaires de langue arabe qui sont des références. Aussi, fi kutub at-tafasir, dans les livres d'exégèse, dans les livres d'explication ou de commentaires du Coran, dans les livres de tafsir, lorsque il y a des versets justement où le mot ilah est cité, vous allez voir que les grands savants de l'interprétation du Coran, ont interprété, ont expliqué le terme ilah comme étant al-ma'lou, ou al-ma'lou huwa al-ma'boud. Et ces explications-là, ces sens-là, ces significations-là, elles nous sont rapportées de, justement, des premiers hommes de cette religion. Comme c'est rapporté de compagnons, ensuite de leurs successeurs, et autres. Donc, al-ma'boud bihaq, al-ma'lou, al-ma'boud bihaq, ou bi-batil. Donc un adoré, on l'appelle ilah. Qu'il soit adoré justement, ou bien qu'il soit adoré faussement. C'est-à-dire que ce soit le vrai adoré, la vraie divinité, ou bien que ce soit la fausse divinité, à partir du moment qu'il est adoré, il est ilah. Enfin, il est appelé ilah, mais ce n'est pas al-ilah. On appelle ça ilah. C'est une divinité. Est-ce que sa divinité est vraie ou fausse? Elle est fausse. Si c'est une adoration, si c'est autre qu'Allah qui a été adoré. L'adoration vraie, c'est l'adoration du Seigneur subhanahu wa ta'ala unique. C'est pour cela qu'on dit que l'explication de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaq. La ma'bouda, nul adoré véritable. Pourquoi on dit véritable? Puisque en dehors d'Allah, autres que lui ont été adorés, comme des anges, des prophètes ont été adorés, des messagers ont été adorés. Et même des astres, des monuments, des morts, des vertueux, des hommes ont été adorés. Donc, tous ceux qui ont été adorés en dehors d'Allah, c'est une adoration qui est fausse. Ce ne sont pas les vrais adorés. Le seul adoré véritable, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela que confesse le musulman. C'est ça la croyance du musulman. Le musulman croit un Seigneur unique. Donc, ce Seigneur-là, lui, mérite l'adoration. Donc, il y a un adoré unique. Subhanahu wa ta'ala. Et là, le shir nous dit, Al-ma'bud bi-haq ou bi-batil. Fa-ma'bud yusamma ilahan. Wal-ma'bud bi-haq huwa Allah, wahdahu. Wahdahu. Donc, toutes les statues, les idoles, que ce soit des pierres, des tombeaux, des monuments, tout ce qui était adoré en dehors d'Allah, cette adoration est fausse. Cette adoration est fausse. Regardez par exemple dans lorsqu'on dit fausse divinité, elles sont appelées ilah. Elles sont nommées ilah. Regardez dans le verset lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Isa. Et Allah en s'adressant à Isa, il dit à Isa: أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de te prendre toi et ta mère, c'est-à-dire ici Maryam, toi et ta mère comme إِلَهَيْن, deux divinités en dehors d'Allah? إِلَهَيْن, c'est le terme إِلَهَيْن qui a été mentionné ici. Deux divinités en dehors d'Allah. Sauf que cette adoration n'est pas l'adoration véritable. N'est pas l'adoration véritable. C'est pour ça qu'on, dans la définition de la ilaha illallah, on rajoute bien la ma'bouda bi haqqin. Il n'y a nul adoré véritable si ce n'est Allah. Pourquoi? Parce que si on dit juste nul adoré si ce n'est Allah, alors une personne pourrait se dire nul adoré en dehors d'Allah, alors comment expliquer que d'autres en dehors d'Allah ont été adorés, ont été pris comme adorés. Donc la ma'bouda bi haqqin illallah. Et cette portée d'attention est très importante. Pourquoi? Parce que la ilaha illallah, c'est le premier pilier de l'islam. C'est le premier pilier de l'islam. L'attestation, attester, témoigner qu'il n'y a nul adoré véritable si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, c'est le premier pilier de l'islam. C'est-à-dire que tous les autres piliers de l'islam ne peuvent être valables et valides sans la validité du premier pilier. Sans la validité du premier pilier. Donc il est impératif qu'une personne, par exemple, qui est fervente dans l'accomplissement de sa prière, par exemple. Par exemple, une personne qui est soucieuse de prier ses prières à l'heure. Il se lève à l'aube pour faire salat al-fajr. Après, il accomplit sa prière du midi. Al-dhuhr, il fait l'asr. Le soir, il reste réveillé pour accomplir salat al-isha. Ensuite, il rentre pour ensuite se préparer, se reposer pour se préparer pour la prochaine prière qui est al-fajr. Vous avez vu ses efforts? Cette personne-là attend la validation, ou plutôt la validité de, et l'acceptation de sa prière. Il espère. Il espère qu'Allah Jalla wa'ala lui accepte ses prières et que ses prières soient valables. Il ne veut pas que ces prières-là s'en aillent en poussière. Eh bien, pour la validité de ses prières, de ses efforts, pour l'acceptation de ses prières, pour l'acceptation de ces efforts-là, il vous faut la validité du premier pilier. Il faut la validité du premier. C'est très important. Pour ne pas que les bonnes œuvres, les bonnes actions, les œuvres pieuses s'en aillent en poussière. Et que ce soit des efforts qui s'en iront en poussière et non acceptés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de là, l'attestation la ilaha illallah, ça doit être le souci du croyant, du musulman, quel qu'il soit, homme ou femme, tout croyant, tout musulman, il doit être soucieux de comprendre son témoignage. C'est-à-dire, il témoigne, il fait un témoignage. Lorsqu'il dit « Ashhadu an la ilaha illallah », il témoigne. « La ilaha illallah ». Même « Allah la ilaha illallah ». C'est important. Il doit être soucieux de comprendre le sens, les applications, les conditions, le sens, etc. Et de ce fait, il comprendra ensuite, lorsqu'il comprendra le sens et les implications de cette parole, l'immensité et la grandeur de cette parole, il comprendra ensuite pourquoi que celui qui quittera ce monde en prononçant comme dernière parole « La ilaha illallah », il rentre au paradis. Il rentre au paradis. Donc pour entrer dans l'islam, il faut témoigner « La ilaha illallah » « Wa anna muhammadan rasulullah » Ça c'est « Awwal wajib wa akhir wajib shahadata an la ilaha illallah » C'est pour ça qu'il faut jamais se dire « Ça y est, ça, je l'ai appris, je l'ai étudié » Et ensuite, cette personne ne reviendra plus sur ce sujet-là. Là. Toute sa vie, toute notre vie, toute la vie du croyant, du musulman, de la musulmane, c'est toujours d'apprendre at-tawhid. C'est toujours d'apprendre at-tawhid, de réviser at-tawhid. C'est toujours ici de revivifier cette science en lui. Ça, c'est très important. Et tous les prophètes et les messagers appelaient leur peuple et répétaient à leur peuple « La ilaha illallah ». Ils appelaient leur peuple à l'adoration d'un Seigneur unique. Et si vous ouvrez le Coran, c'est que du rappel sur le tawhid. Ça nous exhorte et nous incite à l'adoration d'un Seigneur unique. Donc il ne faut pas se lasser. Il ne faut pas se lasser. Pourquoi ? Parce que comme on a dit précédemment, on accomplit des actions chaque jour, comme la prière. Ensuite, les musulmans aussi, parmi les piliers de l'islam, ils s'acquittent de leur zakat. Ils jeûnent le mois du ramadan. Et vous avez vu, alhamdoulilah, on a terminé pas très si longtemps le ramadan. Qu'est-ce qu'espère le musulman après qu'il a accompli le mois du ramadan? Eh bien, il espère et il implore Allah que Allah Jalla wa Ala lui accepte ce jeûne. Son jeûne qu'il a accompli pendant le mois du ramadan et qu'il accepte son qiyam. Et c'est pour ça qu'il nous est rapporté de nos pieux prédécesseurs qu'une bonne partie de l'année, après le ramadan, l'année qui arrivait, alors la première partie, ils implorèrent Allah qu'il accepte leur jeûne du ramadan et leur qiyam, et ensuite, avant les mois arrivés, avant le ramadan, ils implorèrent Allah qu'ils fassent qu'ils atteignent le ramadan prochain. Donc celui qui veut se voir accepter ses prières, sa zakat, son jeûne, celui qui a fait l'effort de faire le pèlerinage, de s'acquitter de son pèlerinage. Lui, il veut la validation. Il te faut la validation de « La ilaha illallah ». Sauf que, ce qui peut contredire ton témoignage « La ilaha illallah », ça peut être des paroles, des convictions et des actions. Tu peux contredire ton témoignage avec des paroles, des convictions et des actions. Ça c'est très important. فَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةِ Celui qui rencontrera Allah sans lui donner d'associé, il rentrera au paradis. Donc ça c'est quelque chose de très important. Donc on a fait un rappel ici sur cela. Ensuite, Cheikh, on avance et dit كَمَا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى لَا مَعْبُودَ بِحَقٍ إِلَّا هُوَ وَمَا عُبِدَ مِنْ دُنِيهِ فَهُوَ بَاطِلُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا شَبِهِ لَهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ فَيُقَاسُ بِهِ أَوْ يُسَوَّى بِهِ فَيُعْبَدُ مَعَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ Ensuite, l'auteur continue. Et il dit, après qu'il ait dit, ce que les langues doivent prononcer, les cœurs doivent croire dans la religion, parmi cela, il y a d'avoir foi, iman, par le cœur et de formuler par la langue, qu'Allah est un adoré unique. Il est le seul adoré, nul adoré si ce n'est lui. Ensuite l'auteur dit, nul ne lui ressemble et nul ne lui est comparable. Et ni il n'a d'enfant, ni père, ni compagne, ni associé. Il n'y a pas de commencement à son en antériorité, ni de fin sa postériorité. Et ensuite, donc, regardez, l'auteur dit que rien n'est semblable. Il nous enseigne, après nous avoir enseigné que il n'y a nul adoré véritable si ce n'est lui, il enseigne que nul ne lui ressemble et nul ne peut être comparable à lui, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Jalla wa Ala, dans un verset, ce qui prouve cela, il nous dit « Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami' al-basir » Allah, dans un verset, dans Sourate Shura, le verset 11, Allah nous dit que rien n'est comparable à lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah Jalla wa Ala, il n'a pas d'égal. Il n'a pas d'égal. Et ça, c'était très important que l'auteur stipule cela et mentionne cela. Pourquoi? Parce que comme on a dit, lorsqu'on dit « La ilaha illallah », donc, on a dit qu'on témoigne, professe, le fait que Allah Jalla wa Ala est l'adoré véritable, seul et unique. Donc, kalimat la ilaha illallah, elle est appelée la parole du monothéisme. La parole du monothéisme. C'est-à-dire que pour réaliser le monothéisme, il faut réaliser la parole la ilaha illallah. De ce fait, pourquoi l'importance de cette citation ? Pour réellement et véritablement réaliser le monothéisme, il faut avoir la conviction que rien n'est comparable et semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui donc qui donne un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'a pas unifié Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Il n'a pas, ici, accompli at-tawhid. Donc, comme on se doit d'adorer un Seigneur unique, on se doit de savoir et d'avoir la conviction que ce Seigneur unique, il est incomparable. Et rien ne lui est semblable, rien ne lui est comparable. Il est seul, unique, sans égal. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très important. Regardez, que ce soit comparable, qu'on fasse de la comparaison par rapport à ses noms et ses attributs. Par exemple, dans le domaine des noms et des attributs, par exemple. On ne peut comparer autre que lui avec lui, subhanahu wa ta'ala. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala est le puissant. Rien ne peut être puissant comme Allah. Rien ne peut posséder la puissance comme Allah Jalla wa Ala la possède. Allah est unique dans cela. Personne détient cette puissance-là. Cette capacité de pouvoir créer, de gérer cet univers, subhanahu wa ta'ala, de donner début aux hommes et fin aux hommes, de ressusciter. Rien n'est semblable à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ce soit au niveau de ses noms, de ses attributs, Allah subhanahu wa ta'ala est l'audient, rien ne lui est semblable. Le clairvoyant, c'est des traductions approximatives, rien ne lui est semblable. Mais aussi, donc là on est dans le domaine des noms et des attributs, al-asma wa sifat, mais aussi par exemple, dans le domaine de la seigneurie. Dans le domaine de la seigneurie. On ne peut lui donner des associés concernant les différentes particularités d'Allah Jalla wa Ala liées à sa seigneurie. Que ce soit dans le domaine aussi de l'adoration. De l'adoration. Lorsque un individu, par exemple, adore un saint, par exemple, un mort, un autre qu'Allah Jalla wa Ala, en l'implorant, en lui vouant des actes d'adoration, il donne un semblable à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est très important que l'auteur ait mentionné cela, c'est pas en vain. Ensuite, regardez, pour illustrer cela, et pour vraiment approfondir le sujet, l'auteur, regardez, pour vraiment illustrer cela, et bien qu'on puisse comprendre cela, il dit l'auteur. Comme Allah Jalla wa Ala, nul ne lui ressemble et nul ne lui est comparable, il dit wala waladala wala walidala. Il dit, et Allah Jalla wa Ala n'a ni enfant ni père. C'est-à-dire qu'Allah, on ne peut pas le comparer à l'être, à sa créature. À sa créature. L'homme a besoin d'une compagne, a besoin d'enfants. Allah Jalla wa Ala n'est pas comparable. Allah n'a pas besoin. Allah se passe de tout, subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, yani, laysa lahu bidaya wa laysa lahu nihaya. Lamma qala lam yalid wa lam yulad. Donc ensuite, regardez, il dit vous avez vu dans le verset que lorsqu'Allah dit lam yalid wa lam yulad. Donc Allah Jalla wa Ala ni n'a été engendré ni n'a engendré, ni n'a été enfanté et ni il a enfanté, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Jalla wa Ala, comme on a dit précédemment, l'auteur dit il n'a pas de compagne, il n'a pas d'enfant, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah dit ni il n'a engendré ni il n'a enfanté, ici Cheikh Fawzan dans son commentaire il dit yarni, faudrait comprendre ici, on pourrait comprendre dans le sens aussi, ce qu'il faut comprendre, il dit laysa lahu bidaya wa laysa lahu nihaya. C'est qu'Allah Jalla wa Ala, laysa, il n'a pas de début et ni de fin, subhanahu wa ta'ala. Wa laysa lahu shabih min khalqi. Et personne de sa création ne lui ressemble, Jalla Jalalu. Wa ja'alu lillahi aw wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Yani, walada. Et certains ont attribué, comme Allah dit dans le Coran, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Et Allah, dans un verset, dans la Sourate Zukhruf, le verset 15, Allah nous dit, et ils ont affilié Allah et lui ont attribué parmi ses serviteurs, c'est-à-dire certains ont attribué à des serviteurs d'Allah comme étant une partie d'Allah, comme étant juz'an min Allah. C'est-à-dire certains ont considéré, on dit que certains des serviteurs d'Allah sont une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Comment est-ce qu'ils ont dit ça? Lorsqu'ils ont attribué al-walad, l'enfant à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils ont attribué al-walad, eh ben, c'est comme s'ils ont attribué, et ils ont dit que ce serviteur-là est une partie du Seigneur. Pourquoi? Parce que fal-walad juz min al-walad, ou min al-walid. Parce que l'enfant, c'est une partie du père. L'enfant, c'est une partie du père. Wa hada, la yuqal. Et donc cela, wa la yu'taqad. Ensuite, on continue. Taïb. Allah Jalla wa Ala radda ala al-fi'atayn. لم يلد ولم يولد فالله ليس له ولد لأنه ليس بحاجة إلى ولد لأن الولد يشبه الوالد وهو جزء منه والله ليس له جزء مخلوق ولا شبيه تعالى الله عن ذلك. Donc Allah Jalla wa Ala, dans la sourate de la pureté, lorsqu'il dit لم يلد ولم يولد, donc Allah Jalla wa Ala réfute deux choses. لم يلد, Allah n'a pas enfanté, n'a pas engendré, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, Jalla wa Ala, il n'a pas d'enfant. Parce qu'Allah, Jalla wa Ala, n'a pas besoin d'avoir une descendance. Il n'a pas besoin, Allah, Jalla wa Ala, de descendance. Et de ce fait aussi, l'enfant ressemble à son père ou à ses parents, et alors que pour Allah, rien ne lui est semblable et comparable. Mais non. Donc, lorsqu'on dit que l'enfant est une partie du père, dans la création d'Allah, parmi les créatures d'Allah, nul n'est partie ou fait partie du Seigneur. Nul n'est une partie du Seigneur ou en fait partie. Et Allah est exalté de cela. Aussi, El-Walad, il est comme partenaire et associé du Père. Comme partenaire et associé du Père. Or, Allah Jalla wa'ala n'a pas besoin d'associé. Allah Jalla wa'ala n'a pas besoin de partenaire. Que ce soit dans sa seigneurie, que ce soit dans l'adoration ou bien dans ses noms et ses attributs. De ce fait, Allah Jalla wa'ala ni n'a d'associé dans la seigneurie, c'est-à-dire personne n'a participé avec Allah dans la création des cieux et de la terre et la création des hommes. Et Allah donc n'avait pas besoin de partenaire et d'associé qui se serait associé avec lui pour créer les cieux et la terre et les hommes et tout ce que contient les cieux et la terre et les mers et les océans. Allah a créé seul. Et il n'a eu besoin de personne, subhanahu wa ta'ala. Wadih al-kalam. Taïb. Donc ça, c'est les premiers points qu'évoque l'auteur. Aussi, on a dit, comme l'auteur n'a pas enfanté, donc comme Allah Jalla wa Ala n'a pas enfanté, n'a pas engendré, aussi il dit, yani laysa lahu zawja. Aussi, Allah Jalla wa Ala n'a pas de compagne et n'a pas d'épouse. Kayfa yakun lahu walad wa huwa laysa lahu zawja. De ce fait, comment il dit, il aurait eu un enfant alors qu'il n'a pas de compagne et d'épouse, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui-même le dit. Allah dans un verset, dans Sourate Al-An'am, le verset 101, Allah lui-même le dit. Anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba. Regardez. Anna yakunu lahu walad. Comment Allah Jalla wa Ala aura pu avoir un walad, un enfant, wa lam takun lahu sahiba, alors qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas de compagne. Tout simplement parce qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas besoin de ses créatures. Mais ses créatures ont besoin de lui. Ont besoin de lui, subhanahu wa ta'ala. On continue sur ce que dit l'auteur. Ensuite, l'auteur dit, après qu'il ait dit, il n'a ni enfant, ni père, ni compagne, ni associé, il n'a pas de commencement à son antériorité, antériorité, et ni de fin à sa postériorité. C'est-à-dire ici, c'est la traduction de laysa li awwaliyatihi ibtida'un wa la li akhiriyatihi inqida. Cette partie-là, elle a été traduite par donc Allah Jalla wa Ala, laysa li awwaliyatihi, awwaliyatihi, donc c'est le commencement. L'auteur dit laysa li awwaliyatihi ibtida'un. Il n'y a pas de commencement à son antériorité. Wala li akhiriyatihi inqida'un. Wala yablughu kunhu sifatihi alwasifun. Ici, ce qu'ils font comprendre, c'est comme nous dit Cheikh Al-Fawzan dans son commentaire, comme قال جل وعلا وهو الأول والآخر. Allah est le premier et le dernier. Sans début et sans commencement. Sans début et sans commencement. Antal awwal, quel est le sens de il est le premier? C'est-à-dire, falaysa qablaka shay. Avant Allah, il n'y avait rien. Avant Allah, Jalla wa Ala, le Créateur, il n'y avait rien. وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٍ. Et après Allah, il n'y a rien. وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٍ. Et Allah aussi est, traduction native, on dit l'apparent. L'apparent, الظَّاهِر. Et le sens de l'apparent ici, c'est فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٍ. Il n'y a rien au-dessus de toi. فَوْقَكَ شَيْءٍ. Il n'y a rien au-dessus de toi. يعني المتعالي على خلقه جل وعلا القاهر فوق عبادي وأنت الباطن فليس دونك شيء فلا أحد يخفى علي إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعني لا أحد يعرف كيفية صفة الله جل وعلا وأما معناها فهو معلوم فلا يكيف كلامه. طيب. Donc de ce fait, Allah Jalla wa Ala n'est pas comparable et on ne peut le comparer. Et avant lui, il n'y avait rien, c'est-à-dire rien n'existait avant lui, subhanahu wa ta'ala, il est le premier, subhanahu wa ta'ala. وهو الآخر donc الأول فليس قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء. Et ça, c'est l'explication qu'a donné le prophète alayhi salatu wassalam au nom الأول والآخر, comme dans le verset 3 de sourate Al-Hadid. Le verset 3 de sourate Al-Hadid, c'est voir dans le verset où il y a la mention de الأول والآخر, qu'on traduit littéralement Al-awwalu huwa, c'est dans le sens de premier. Wal-akhiru, c'est dans le sens le dernier. Et ce qui est pertinent, maintenant comment comprendre le sens du nom al-awwal wal-akhir, comment comprendre le sens, revenir au hadith du prophète. Le prophète Hassan a lui-même expliqué le sens de al-awwal, le premier, والآخر, le dernier, c'est-à-dire الأول ليس قبلك شيء والآخر dans le sens ليس بعدك شيء. هذا هو المعنى. Ensuite l'auteur, regardez, il dit et on ne peut arriver à décrire la spécificité de ses attributs ni englober par la réflexion ce qui le concerne. Ceux qui réfléchissent tire leçon de ses signes et ne médite pas sur la nature de son essence. Regardez l'auteur ensuite, il dit لا يبلغ كنه صفاته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. Donc regardez, ce que je viens de vous lire, c'est la traduction de ce passage, c'est-à-dire on ne peut arriver à décrire la spécificité de ses attributs, ni englober par la réflexion ce qui le concerne. Ceux qui réfléchissent tirent leçon de ses signes et ne méditent pas sur la nature de son essence. Ça, ce que je vous ai lu, c'est la traduction de la parole de l'auteur, donc c'est le matn. On est dans l'écrit de l'auteur. Lorsqu'il dit, je vais le redire en arabe, « La yablughu kunhu sifatihi al-wasifun » ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. Cette partie-là, yani, comment on pourrait la comprendre? Qu'est-ce que veut dire l'auteur lorsqu'il dit on ne peut arriver à décrire la spécificité de ses attributs? C'est-à-dire, maintenant, pour bien comprendre ça, on s'appuie bien sûr sur le commentaire de Cheikh Al-Fawzan. Il nous dit, l'auteur veut dire quoi? C'est-à-dire, la ahad ya'rifu kayfiyata sifatillah. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui connaît ici kayfiyya sifatillah. Al-kayfiyya, c'est la manière, le comment. Personne connaît ici le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kayfiyya. La ahad ya'lam. Wa amma ma'naha fa huwa ma'lum. Mais ce qu'on connaît par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à ce qui est attribué à Allah, ces attributs qu'Allah s'est attribué subhanahu wa ta'ala, ou que le prophète Mohammed a attribué à Allah jalla wa ala, ce qu'on connaît c'est le sens. Ce qu'on connaît c'est le sens. Al-kayfiyya la na'rif wa la na'lam. La na'lam al-kayfiyya, on ne connaît pas le comment et la manière. Et donc l'auteur, regardez, c'est ce qu'il veut dire lorsqu'il dit on ne peut arriver à décrire la spécificité de ses attributs. Ici, ils ont traduit al-kayfiyya, c'est dans le sens de la spécificité. La yablughu kunhu sifatil wasifun. C'est cette partie-là. C'est-à-dire qu'on ne peut arriver à décrire la spécificité de ses attributs. Fala yukayyaf kalamu. Par exemple, Allah Jalla wa Ala, comme on le verra dans ce qui va arriver à l'attribut de la parole, comment est-ce qu'Allah Jalla wa Ala parle? Wallahu a'lam. Le comment, on ne connaît pas. Tandis que le nom de l'attribut kalam, le sens, on le connaît. Dans la langue arabe, le sens est clair. C'est la parole. La parole. Taïb. Comment est-ce qu'Allah Jalla wa Ala parle, accomplit cet attribut, subhanahu wa ta'ala, la na'lam. On ne sait pas. On ne sait pas. Wa la yukayyaf sam'uhu wa la basaru. De ce fait aussi, Allah Jalla wa Ala, l'attribut de l'audience, de la clairvoyance. Le comment, on ne sait pas. Et cela, cette règle-là, s'applique pour tous les attributs. فَنَحْنُ نُؤْمِنْ بِهَا وَنُثْبِتُهَا وَلَكِنْ لَا نَعْلَمْ كَيْفِيَتَهَا وَحَقِيقَتَهَا. Donc, la croyance des musulmans, elle est simple. C'est qu'on croit qu'Allah Jalla wa Ala détient les noms sublimes, les plus beaux noms, et détient les attributs de la perfection. Taïb. Comment sont ces attributs? Kayfiyya, le comment, on ne connaît pas. Nous, on y croit. On y accorde foi. Wanuthbituha. Et on les affirme. Mais on ne connaît pas la réalité. Al-haqiqa. Wal-kayfiyya. Ça, on ne connaît pas. On ne rentre pas dans ce domaine. Dans ce domaine. فَالْأَسْمَا وَصِفَتْ مَعْلُومَةُ الْمَعْنَى. Le cher Fazan, regardez ici, il nous dit, donc les noms et les attributs d'Allah sont connus. Connus par rapport à quoi? Par rapport à leur sens. Par rapport à leur sens. Ensuite, Shir va nous donner l'exemple célèbre sur Al-Istiwa, le fait qu'Allah s'est établi, élevé au-dessus de son trône. Alors, le sens de l'Istiwa est connu et célèbre. Le comment, on ne sait pas. Accorder foi à cela, y croire, c'est une obligation. C'est une obligation. Le comment est inconnu, le sens est connu et il ne faut pas poser la question. Donc on avait pris ça et les preuves sont nombreuses à cela. L'auteur ensuite dit, comme on ne connaît pas les spécificités de ces attributs, comme il a dit précédemment l'auteur, on ne peut ni englober par la réflexion ce qui le concerne. Ni, comme on ne connaît pas les spécificités de ses attributs, le comment, la manière, eh bien, on ne peut cerner, englober dans le sens de cerner, on ne peut cerner et englober par la réflexion ce qui le concerne. C'est-à-dire, ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yuhitu bi amrihi al-mutafakkirun. C'est une traduction relative de cette partie-là. Il dit, et ceux qui réfléchissent tirent leçon de ces signes et ne méditent pas sur la nature de son essence. Et ne méditent pas sur la nature de son essence. At-tafakkur fillah, an tatafakkar fi ayatillah. Fatatafakkar fi ayatillah, al-kawniyya, wal-qur'aniyya, wal-ayat al-kawniyya, tatafakkar fi l-ard, wal-jibal, wal-bihar, wal-bar, wal-bahar, wal-ashjar. والأنهار تتفكر فيها أنها تدل على الخالق سبحانه وتعالى. Regardez ce que nous dit Cheikh Fawzan dans l'explication. Il nous explique quelque chose d'important. Il s'est dit, ceux qui réfléchissent, ou plutôt avant, l'auteur dit, on ne peut englober par la réflexion ce qui le concerne. Ce qui le concerne. Ceux qui réfléchissent tirent le son de ces signes et ne médite pas sur la nature de son essence. C'est-à-dire, at-tafakkur, ce qu'on appelle at-tafakkur, puisque l'auteur lui-même en arabe, il a mentionné le terme al-mutafakkirun. Al-mutafakkirun, ismun fa'il. C'est-à-dire ceux qui réfléchissent, méditent, et tafakkirun. Ils font preuve de réflexion. Ils font preuve de réflexion. Alors ici, si on veut réflexionner, on veut faire preuve de réflexion, on veut faire du tafakkur fillah. Du tafakkur, on veut le faire fillah. Alors il dit, c'est que tu réfléchisses, tu médites sur les signes d'Allah. Sur les ayat, ce qu'on appelle al-ayat. Les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fatatafakkar fi ayatillah par exemple. Les signes d'Allah qu'on appelle al-kawniyya. Les signes universels. Les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, universels. Et les signes d'Allah aussi, Qur'aniyya, dans les versets. Tu médites les versets d'Allah. Tu médites le livre d'Allah. Tu réfléchis sur l'essence des versets. Ça, c'est méditer, c'est réflexionner, c'est réfléchir sur, dans le sens, sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça se fait en méditant sur ces versets, que ce soit les versets universels, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a dit dans les cours précédents, juste le fait de méditer sur soi-même, sur sa création, sur son être, ici, ça va nous indiquer, nous prouver l'existence d'un créateur et d'un Seigneur unique. Et d'un Seigneur unique. La personne, juste lorsqu'il réfléchit à sa création, eh ben, ça lui prouve l'existence de ce créateur. Il dit que tu réfléchisses, par exemple, en observant la terre, les montagnes, les mers, les océans, les arbres, par exemple, les fleuves, tatafakkar fiha, et tout cela indique l'existence d'un créateur et d'un Seigneur unique, subhanahu wa ta'ala. Wa kada tatafakkar fi ayatillah al-qur'aniyya. Et comme on a dit précédemment, il dit, et tu médites aussi le livre du Seigneur, les ayats, les versets. Et lorsqu'on dit tu réfléchis sur les versets, c'est-à-dire tu les médites, tu observes, tu essayes de comprendre l'essence et leur interprétation. Et regardez ce qu'il nous dit, pour terminer, il nous dit, et maintenant que tu veuilles, réflexionner, réfléchir, méditer sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur ses attributs, en cherchant le comment de ses attributs, comme par exemple dans le Coran, Allah jalla wa ala nous informe à son sujet qu'il parle, donc il s'attribue Allah subhanahu wa ta'ala à lui-même l'attribut de la parole, que tu médites et réflexionnes sur cela. En réfléchissant, comment est-ce qu'Allah Jalla wa Ala parle, Cheikh nous dit ici, فَهَدَ لَا يَجُوز. Ça, ce n'est pas permis. يعني, أَمَّا أَن تَتَفَكَّرْ فِي كَيْفِيَتِ أَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ وَكَيْفَ يَتَكَلَّمْ فَهَدَ لَا يَجُوز. Donc ça, ce n'est pas permis. Et même interroger à ce sujet n'est pas permis. Cela n'est pas permis. وَالتَّفْكِرُ فِيهِ. Et même réfléchir sur cela n'est pas permis. Réfléchir sur cela n'est pas permis. Et c'est lorsque beaucoup sont entrés dans ce domaine, en essayant de réfléchir dans ce domaine, et lorsque ensuite ils sont tombés dans des formes de comparaison, c'est là que beaucoup ensuite ont nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est naktafi bi hadha al-qadr, on va terminer sur cela. Donc le programme de la semaine, pour ceux qui ont vu le message, dans la semaine on va essayer de faire deux livres. Donc vous avez vu ce livre là, donc vous avez vu j'ai avancé brièvement, on va avancer encore comme ça, on va essayer d'aller un peu plus vite pour qu'on puisse arriver au point où on voulait arriver. On prend certains points très